Bonjour. Il y a certaines choses que j'ai dites dernièrement, c'est par franchise, puis une certaine candeur. Mais là, c'est sûr que des fois, ça peut-être être choqué un petit peu. J'ai vu que Fergus était pas content. Puis là, on dirait, c'est comme s'il disait, j'ai une certaine prétention intellectuelle. Pourtant, j'ai pas une grande culture, j'ai une culture générale. C'est vraiment une culture générale. Comme Camus, j'ai jamais lu Camus, ça m'intéresse pas. Le personnage public, là, la personne, Albert Camus, ben, qui n'est pas son vrai nom, me semble, là. Bon, ben, juste, je ne suis pas attiré vraiment à aller lire. Je suis pas fort sur les romans, en général, j'en ai pas lu beaucoup. Ben, Stendhal, oui, Le Rouge et le Noir, je l'ai lu, puis c'est dans les derniers romans que j'ai lu parce que j'ai trouvé ça profondément choquant, là. La passe de la balle dans la tête à l'église, là, je trouvais ça qui allait fort un peu. J'avais pas aimé ça. Puis bon, non, j'ai pas des. Ben, c'est surtout des ouvrages techniques puis documentaires que j'ai lus. Les romans, ça me. Bon, je trouve que la réalité est plus intéressante que la fiction. Rabelais, oui, par contre, oui. Mais ça, c'est déjà plus. Je trouve ça déjà plus intéressant que. Il y en a qui n'aimeront pas ça, mais je trouve ça plus intéressant. Pour moi, c'est plus intéressant que Camus. Là, l'affaire, bon, les couvre-chefs dans les lieux publics. Ben, pas nécessairement. Ça me choque pas nécessairement. Que des juifs orthodoxes gardent leur chapeau dans des lieux publics à l'intérieur, ça me dérange pas. Les sikhs non plus, là, ils peuvent garder leur turban. Je veux dire, comme j'ai déjà vu, là, des gens qui étaient venus dans une salle à manger, là, des mnénanites. Puis la dame, elle avait un béguin, là. Elle avait un chignon avec un béguin par-dessus, là, une sorte d'abat-jour, là. Puis le bonhomme, il avait son chapeau tressé, il devait être en voyage. Puis il avait pas le choix d'arrêter manger. Puis non, ça me dérange pas. L'affaire, c'est au niveau de la culture occidentale par rapport à la culture populaire, les masses, comment les masses, il y a des choses qui sont récupérées. Puis selon des intérêts, puis la masse est endormie selon ce qu'on pourrait appeler des sous-cultures, des modes. À un moment donné, comme Bernard, il dit, il y en a un, là, il parle d'un chanteur, un artiste, il dit, c'était conçu, puis c'était conçu, tu sais, comme protestataire, là. Puis il dit, à Star, ça se promène en limousine noire, puis ça charge 350 000 piastres US pour un petit party privé. Puis le pire, c'est que. Ben, je pense qu'il parle de Bob Dylan, Bernard, ou probablement un autre dans le même genre. Puis je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est un petit peu comme les personnages de John Lennon. Que, bon, je veux dire, des fois, il y a une certaine hypocrisie chez les artistes. Puis ça, puis par rapport à la culture populaire aussi, de comprendre que. Les mouvements de masse de la culture populaire, c'est des mises en condition, ça draine de l'individualité, puis ça peut être récupéré au niveau de toutes sortes de façons, dans le fond. Je veux dire, il y a une certaine dégénérescence. La culture occidentale, on constate, il y a une certaine dégénérescence. Je veux dire, l'affaire du couvre-chef en public, ça dépend du contexte, toujours. Mais. C'est comme ici, il y a un lieu de culte, là, pas loin, puis quand les touristes viennent, ben, des fois, ils sont obligés de leur dire, ben là, pour visiter l'endroit, il faudrait enlever votre casquette. Pourtant, c'est des choses que les gens devraient savoir, comme si on va visiter un temple, ils vont enlever ses souliers. Je veux dire, c'est un petit peu, c'est comme dans les écoles. D'après moi, c'est pas permis, là, d'avoir, c'est parce que ça fait partie de l'éducation. Je veux dire, les hommes se sont découverts quand ils entraient dans des lieux publics pendant des siècles au niveau de notre culture. Puis, jusqu'à un certain point, on voit que quand ça contrevient à ça, c'est par des sous-cultures, si on peut dire, souvent exogènes, comme par exemple qui nous viennent des États-Unis ou de d'autres pays. Puis, bon, moi, c'est certain que quand je regarde ça, c'est comme si on regarde aujourd'hui ce qui entoure la criminalité puis la violence au niveau de la culture populaire. C'est pas. C'est. Tu sais, bon. Donc, oui, il y a certaines cultures que j'aime pas, des sous-cultures, pas que j'aime pas, mais on sent que derrière, c'est. Bon. Puis juste l'affaire, si vous portez des trucs en été à l'intérieur, là, Ben, si vous avez des prédispositions pour la calvitie quelque part, ben là, au niveau bactérien, puis c'est certain que vous allez vous ramasser les tempes dégarnies, plus de bonheur, puis c'est pareil pour les casquettes de baseball, puis ces affaires-là. Puis bon, juste. Puis même quand je disais ça, c'était au niveau de ma sensibilité esthétique environnementale. J'ai jamais fait chier personne avec ça, là. Puis je disais franchement ce que j'en pense avec une certaine candeur. Mais c'est pas. Jette pas l'opprobre sur du monde. Puis, mais je suis bien content de vivre en région éloignée. Parce que des affaires comme du monde avec des tatouages dans le visage, puis des piercings dans le visage, puis. Bon, des hommes avec du vernis à ongles, des affaires de même, ici, il n'y en a pas. Puis, c'est pas que. D'une certaine façon, le pire, c'est que moi, j'en ai vu des gens, on en voit des fois, mais ils s'installent pas, ils s'intègrent pas, parce que il y a un certain mécanisme, comme un communautaire de protection, qui fait qu'à un moment donné, ben, ils sont inconfortables, puis ils partent. Une des affaires qui fait que je critique par rapport au communautaire, puis les sciences sociales, au sens des études, comment qu'après c'est appliqué dans le communautaire, c'est que je me souviens d'un cours qui est quelqu'un qui venait de l'extérieur, puis qui avait une apparence vraiment. En tout cas, puis l'opinion des gens dans le communautaire que j'ai vu, eux autres, c'était, ils essayaient d'éduquer les employeurs potentiels à comprendre que ce jeune-là, c'est un bon gars, puis qu'il s'était bien de l'employer pareil, malgré son apparence, puis blablabla. Puis moi, mon point, c'était que non, c'est à lui de faire des compromis sur son apparence s'il veut s'intégrer dans la communauté. Puis il y a eu un conflit par rapport à ça, puis finalement, ben lui, il est plus par ici, il est reparti. Il doit être à Montréal ou à Vancouver parce que dans le fond, il arrivait pas à se faire une vie ici. Puis finalement, moi, mon point de vue, c'était ce que j'essayais de dire dans ce temps-là, que j'étais en conflit par rapport à du monde dans le communautaire qui avait une autre opinion, c'est ça marchera pas. Je veux dire, vous avez des bonnes intentions là, d'essayer d'éduquer les employeurs à comprendre que, bon, on peut l'engager pareil, bien, c'est une bonne personne, même s'il fait partie d'une sous-culture qui a une apparence choquante pour certaines personnes. Et puis, par ici, dans mon coin, c'est-à-dire la majorité du monde. Puis, le conflit, moi, ce que mon point de vue, c'était, puis aussi d'essayer essayer aussi de donner des outils à ce gars-là pour que il soit capable de se vendre, tu sais, de montrer qu'il est une bonne personne pareil, au lieu de se dire, ben, gars, fais des compromis, puis améliore un peu ton apparence au niveau de certaines normes par rapport au milieu auquel tu veux t'intégrer. Parce que moi, mon point de vue, c'était, c'est bien beau les bonnes intentions, puis ce que vous essayez de faire, mais si on regarde les faits, puis qu'on analyse la situation, ça marchera pas. Puis comme de fait, ça marche pas. Puis c'est du monde qui reste pas par ici, parce que finalement, ça marche pas. Ils arrivent pas à s'intégrer. Puis d'une certaine façon, c'est pour ça que je suis content de vivre en région, dans une région, dans un endroit qui est quand même, bon, que tout le monde se connaît. Puis il y en a des gens qui finissent par s'installer, mais il y a un tri qui s'opère. Puis moi, ben, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que quelqu'un qui va avoir un look un petit peu de gang de rue ou de biker, ou c'est sûr que je ne vais pas être porté à vouloir socialiser. Ça veut pas dire que je juge la personne. Si la personne m'aborde, je vais être bien gentil, puis je vais pas être. Je suis pas quelqu'un qui a des préjugés tant que ça, parce que du monde. De toutes les sortes qui étaient du bon monde, j'en ai connu. Je le sais que ça. Mais il reste que moi, je ne vais pas être porté à aller vers du monde qui ont. Bon. Qui fait comme ce qu'on pourrait appeler des sous-cultures. Dans le fond, c'est comme si c'était des minorités visibles, au fond. Ça revient à ça. Puis il y a une espèce de culture tribale qui revient, on dirait. Puis. Ça, ben, ça peut pas. On dirait que c'est tout le temps accompagné par de la disharmonie sociale. Puis comme Bernard, quand Charles c'était contre ci, puis c'était contre ça, il dénonce une certaine hypocrisie que oui, on voit par rapport à une exploitation d'un manque d'identité de la jeunesse, entre autres, comme les années 60, les niaiseries yéyé, on dirait que ça détruit le cerveau tellement c'est stupide, la musique yéyé des années 60, que c'était toutes les tunes des États-Unis traduites en français au Québec, puis après ça, les hippies, ils font 60 des années 70, puis la drogue, puis dans le fond, puis... Moi, je trouve pas que c'est des mouvements de civilisation qui sont bons signes, ça accompagne une certaine dégénérescence. Puis aujourd'hui, ben, c'est carrément abrutissant, ce qu'on appelle la culture populaire, les reality shows, puis c'est là-dedans que justement, on voit, c'est lié à cette certaine culture-là, que bon. Cette espèce de culture populaire-là, que ben, c'est comme il y a du monde que. Je connais pas, mais je regarde les journaux, puis là, il y en a un qui est mort récemment que je connais pas. C'était Nick Carter, ou je sais pas trop, ou non, c'est son frère, ou. En tout cas, puis il y a une photo du gars, puis il y a des tatouages, puis des piercings d'en face, puis on voit que la personne, elle va vers la mort parce que cette culture-là, populaire, de En tout cas, c'est mortifère. Puis, moi, si le monde ne le voit pas en arrière, que jusqu'à un certain point, on sent des forces de carrément de. Bon, c'est de la contamination mentale quelque part. Puis, on le voit que c'est vibratoire. Puis, moi, j'aime pas la vibration que ça a. C'est pour ça que quand je vois un gars avec sa tuque en dedans, là, à chez lui, avec sa tuque sur. C'est pas que je juge, c'est pas ça, mais au niveau de ma sensibilité, moi, j'aime pas ça. Ça me répulse. Ça me répulse. C'est disharmonieux. Il y a quelque chose que. Je sens rien qu'on sent derrière, j'aime. C'est ça, c'est vibratoire, dans le fond. C'est vibratoire, dans le fond. La même raison pourquoi que je ne suis pas intéressé à lire Camus, c'est vibratoire. Là, je ne sens pas d'affinité avec ce bonhomme-là. Puis, bon, c'est pareil pour un paquet d'affaires. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Puis, dans le fond, le pire, c'est que, dans le fond, tu sais, comme Fergus, ça le choque un peu ce que je dis là, mais je suis bien pire qu'il pense. Je suis encore bien pire que ça. J'ai des opinions de, c'est édulcoré. Ce que je fais sur YouTube, il y a bien des choses que j'oserais jamais dire publiquement. Mais le monde qui me connaisse en privé, ils savent que dans le fond, ça va encore plus loin que ça. Là, la mauvaise opinion que je peux avoir de certaines choses, puis à quel point je peux être heureux. Il y a des choses que je dis en privé, puis heureusement que c'est pas public. Bonne journée.